faire, c'est je vais répondre aux différentes questions que vous avez posées, mais je voudrais juste revenir un peu en arrière avant, parce que je voudrais juste préciser un certain nombre de choses qui, par rapport à bon, un certain nombre de thèmes qui ont été abordés là jusqu'à présent. Premièrement, sur cette histoire un peu de pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire une tripartition numérisation, édition numérique, édition en réseau. Donc, qui sont les trois parties pour nous d'un chapeau global qu'on appelle édition électronique. Pour nous, c'est tout ça, l'édition électronique. C'est parce qu'on a eu le sentiment, on avait le sentiment, Marin Dacos et moi-même, qu'il y avait une espèce de confusion du débat qui s'installait, avec d'une part, effectivement, une instabilité du vocabulaire qui était généralisée. Moi, j'ai entendu, j'ai lu des gens parler de numérisation et désigner par le mot numérisation des réalités très très différentes, c'est-à-dire ou bien de la, effectivement, ce que tu disais en première partie, c'est-à-dire le passage du papier au numérique, ce que nous appelons numérisation, mais d'autres gens parlent de numérisation quand ils parlent de ce que nous appelons édition numérique, c'est-à-dire la fabrication, la conception, la fabrication et la distribution de livres nativement numériques. Et donc il y a une instabilité du vocabulaire qui est assez, inquiétante et qui empêche le dialogue. Et l'autre chose sur laquelle on a voulu agir, c'est qu'il nous semblait qu'effectivement les différents acteurs, jusqu'à très récemment en tout cas, alors c'est en train de changer, pas de notre fait, mais en fait du fait de l'évolution de l'environnement, mais en tout cas jusqu'à très récemment, les différents acteurs qui étaient engagés ou bien dans l'édition en réseau, ou bien dans l'édition numérique, ou bien dans la numérisation, se parlaient relativement peu. Et certains d'entre eux considéraient qu'ils n'avaient strictement rien à voir entre eux. Entre eux, des bibliothèques engagées dans des chantiers de numérisation d'un côté, Isabelle Aveline engagée sur Zazie Web, des gens qui font des sites communautaires. Par exemple, je vous donne un exemple, quelque chose qui s'appelle TripWolf. C'est un site communautaire de voyageurs qui échangent des conseils sur des conseils et des informations sur les voyages et qui fabriquent automatiquement des guides de voyage à partir de ça. Donc vous dites, mais ça n'a rien à voir, c'est pas l'édition tout ça. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, ça a à voir et que tout ça participe d'un écosystème où vous avez des gens qui font la numérisation, des gens qui font l'édition numérique, des gens qui font l'édition réseau, qui sont dans un même écosystème et qui doivent interagir, qui doivent dialoguer entre eux sur la base d'un vocabulaire qui est relativement fixé. C'est vraiment le premier objectif qu'on a essayé de... Et d'ailleurs, Google arrive là-dessus et dit à tout le monde, mais de toute façon, vous êtes tous dans le même panier finalement, hein, de mon point de vue de Google, qui est vraiment plus haut, tout ça, c'est de la diffusion d'informations en ligne. Je veux juste une petite précision. Lorsque tu dis ce sont trois étapes, en fait, il est très important de comprendre que pour nous, ce ne sont pas trois étapes chronologiques. Il n'y a pas d'abord la numérisation, puis. Ce sont trois étapes qui, effectivement, quand on regarde un peu la chronologie de manière un peu précise, démarrent à des étapes, à des périodes qui se succèdent, mais qui continuent. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour nous, par exemple, la numérisation n'est pas finie. L'étape de numérisation, c'est un passage du papier au numérique, n'est pas finie. Et il y a peu de chances qu'elle soit finie avant longtemps, parce qu'il y a des chantiers qui sont gigantesques en termes de rétablissement d'une continuité de l'analogique au numérique et de retransmission de tout un patrimoine qui est absolument gigantesque dans le cyberespace, si vous voulez. Et donc les trois couches aujourd'hui coexistent et ont des chances de coexister pendant encore longtemps. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose que je voulais dire, c'était sur cette idée de la révolution numérique, en fait. Tous les deux, si je puis me permettre, vous dites... Cette révolution qui est à venir, comment ça va se passer, on entend assez souvent cette idée que la révolution est à venir et qu'est-ce qui se passera dans 10 ans. Et alors en particulier, il y a aussi d'autres questionnements qu'on peut lire un peu dans les journaux parfois qui sont quel est l'avenir du livre, est-ce que l'iPad va tout changer, par exemple, ou est-ce que le Kindle va tout changer? Ou est-ce que Google va tout changer pour le livre, etc. Nous, ce que nous avons voulu dire, c'est que cette révolution, en fait, elle n'est pas à venir, mais elle est en cours et elle existe depuis 20 ans maintenant. Parce qu'il y a un élément que tout le monde oublie dans ce débat sur l'édition numérique, il y a un truc qui est quand même assez massif, ça s'appelle le web, qui existe depuis très longtemps maintenant. Donc, le web fait partie, donc la production de contenu et la diffusion de contenu, la réalisation de sites, sur le web depuis plusieurs décennies maintenant, fait partie de ce processus de révolution numérique de l'édition. Et l'exemple type, il n'est pas à venir, il existe aujourd'hui, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est un énorme livre, si vous voulez, avec des propriétés qui sont propres à l'édition en réseau, qui sont propres aux dispositifs technologiques sur lesquels il repose, mais c'est une encyclopédie. Alors on peut dire que ce n'est pas une bonne encyclopédie, on peut critiquer, on peut dire que c'est une encyclopédie, oui, mais ce n'est pas la même chose que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, etc. Mais c'est quand même un phénomène massif qui arrive de plein pied dans le champ et qui, c'est un pavé dans la mare en quelque sorte, et qui redistribue les cartes pour ce micro-secteur qui est le secteur des encyclopédies. Donc il faut vraiment faire attention à ça, d'abord de voir que cette révolution existe depuis longtemps, et d'autre part qu'elle repose depuis longtemps sur le web, que tout le monde a tendance à ignorer aujourd'hui en se focalisant sur les nouveaux gadgets que sont iPad, Kindle, liseuses et tout ça. Donc les livres, le livre numérique, en fait, il existe depuis longtemps. Mais c'est le passage d'une technologie à une économie, c'est bien le problème, et ça n'existe pas. Ah, que alors, la technique, la technologie existe demandez à tout Google, il vous dira qu'il y a une économie. Bien sûr, hein. Il dira. Lui, pour lui, il y a une économie, il n'y a pas de problème du tout. Pour Apple aussi, pour l'instant, apparemment, tout va bien. C'est pour certains acteurs qu'il y a un problème de changement et de modification, de passage d'un modèle économique à un autre. Alors justement, je voudrais revenir un peu sur cette. Enfin, je voudrais juste dire une petite chose aussi, une troisième petite chose, et ensuite je voudrais vraiment parler de la librairie et engager le débat là-dessus. Enfin, moi, j'ai jusqu'à présent, enfin, y a un peu un facteur, un peu d'énervement quand j'entends beaucoup, en fait, ou quand on entend beaucoup, des interrogations avec des gens qui essayent de lire dans le marc de café en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et donc, effectivement, depuis que le bouquin est sorti, voilà, des gens qui disent, mais alors qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Qu'est-ce qui va se passer demain? Comme si on avait une boule de cristal dans laquelle on pourrait lire l'avenir. Et le message qu'on avait voulu essayer de faire passer, Marin et moi, c'est vraiment cette idée que ben, rien n'est écrit, en fait. Et que c'est nous qui allons décider de ce qui va se passer dans 10 ans. Donc là, on a eu, donc il y a eu un facteur un peu d'énervement en direction d'un certain nombre d'éditeurs traditionnels de maisons d'édition, qui n'ont cessé de dire depuis 10 ans, attendons voir, il faut voir dans quelle direction on se dirige pour commencer à prendre position, etc. Et n'agissant pas, ont laissé d'autres acteurs qui viennent de l'extérieur prendre des positions et décider à leur place de ce que sera le futur de l'édition et du livre. Donc ça, c'est assez important. En fait, en termes de révolution technologique, on est au début d'une révolution technologique, et comme pour toute révolution technologique, au début, ça part dans tous les sens. D'accord? Les choix ne sont pas faits. Il y a des acteurs qui commencent à prendre des positions, qui commencent à imposer des solutions. Et ensuite, vous avez ce que les historiens des technologies appellent un sentier de dépendance qui se crée et qui rétrécit le champ des possibles progressivement. Et là, effectivement, quand vous êtes sur une technologie, aujourd'hui par exemple, quand on crée une voiture, une nouvelle voiture, on ne peut pas créer n'importe quoi. Parce qu'il y a 100 ans d'histoire de création technologique de la voiture qui font que vous vous situez dans une tradition. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc le champ est ouvert, le champ des possibles est complètement ouvert, donc c'est à chacun de se positionner, d'essayer de créer, etc. Ça, c'était la troisième chose que je voulais dire. Et puis finalement, sur la librairie, donc excusez-moi mon franc-parler, donc je vais avoir un franc-parler sur la librairie. Parce que pour l'instant, cette fois-ci, je vais prendre vraiment ma casquette de lecteur, de consommateur. Pas ce que vous disiez, ce que vous proposiez. Pour l'instant, j'avoue que je suis assez pessimiste, en fait, sur cette question du repositionnement de la librairie dans ce nouvel environnement numérique. Et j'aimerais bien qu'on en discute tous, qu'on en discute tous éventuellement, parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé récemment vis-à-vis de la librairie. Premièrement, ça c'est un peu ancien, il y a le groupe d'édition Editis, qui, il y a quelques années, a produit un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Champ des Possibles, ou l'Ouverture des Possibles, qui essaye d'être un film d'anticipation, tu l'as vu, sur ce que va être le futur du livre numérique avec les nouvelles tablettes de lecture. Et donc on voit un couple un peu bourgeois qui a des tablettes de lecture numérique et qui va télécharger des livres. Ils vont visiter Bruges, si je me souviens bien, et donc il y a un guide de voyage qui leur lit ce qu'ils sont en train de regarder sur leur tablette de lecture. Donc il y a un truc voilà, qui est assez amusant. Et il y a quelque chose qui est totalement frappant dans ce film, c'est que, bien évidemment, ces gens ne téléchargent jamais leurs livres sur leur tablette à partir du web, d'Internet et de chez eux, mais ils vont dans leur librairie physique, chez leur libraire de quartier, qui ressemble un peu à un monsieur Nicolas, d'ailleurs c'est un peu embêtant, parce que qui vous dit, qui leur vend, qui leur dit, alors qu'est-ce que vous avez en cave, en quelque sorte, avec côté comme ça, le gars arrive avec sa tablette numérique, qu'est-ce que vous avez en cave, monsieur le libraire, et le libraire leur dit, j'ai le dernier Christine Angot, vous allez voir, c'est un bon cru, machin, et il lui donne, je ne sais pas comment ça se passe exactement. De scannage, on a besoin d'un code barre, et hop, voilà, c'est ça. Le truc arrive à la main. Et quand je vois ça, je me dis, mais je ne comprends pas du tout, parce que quel est l'intérêt d'aller se déplacer, je ne sais pas vous, mais moi je ne vais jamais me déplacer, sortir de chez moi, traverser la rue, faire 250 mètres, etc., pour aller télécharger un truc dans une boutique. Ça, jamais. Si j'ai la possibilité de le télécharger à partir de chez moi, je le fais. Donc là, il y a une aberration, vous parliez de modèle économique, il y a une aberration économique complète dans ce film qui essaie de faire... Voilà. Oui, mais qui essaie de faire plaisir aux libraires, d'une certaine manière, de rassurer les libraires en leur disant, regardez, dans le nouvel environnement numérique que nous avons développé, vous aurez toujours votre place et les lecteurs iront toujours chez vous télécharger les livres. La deuxième chose, si je peux me permettre, la deuxième chose qui est beaucoup plus récente, c'est effectivement Clément Laberge, dont on en parlait il y a 5 minutes, qui est bien, est un spécialiste d'édition numérique et qui vient de développer une plateforme de distribution de livres numériques au Québec sous forme d'une application qui s'installe sur l'iPad, la nouvelle tablette. Et sur cette application, c'est donc une plateforme de distribution de livres, en partenariat avec les éditeurs et les libraires. Sur cette application, le lecteur donc, entre dans l'application, ils ont accès à un catalogue unifié interopérable de livres disponibles, et lorsqu'ils veulent acheter le livre, l'application leur demande chez quel libraire ils veulent acheter le livre. D'accord. Et donc, ils disent, moi, je connais ce libraire, donc je veux l'acheter chez ce libraire, et donc, du coup, c'est le libraire qui vend, en fait. Mais en fait, c'est pas le libraire, c'est la plateforme qui vend. Et actuellement, c'est sorti il y a une semaine, quelque chose comme ça, actuellement, donc il a fait un billet sur son blog à propos de ça, il se fait incendier par tout un tas de gens qui lui disent, mais c'est absurde, ce système, parce qu'en fait, on renverse les choses, c'est-à-dire qu'on va d'abord trouver le livre par l'intermédiaire d'un dispositif, et ensuite, on pense au libraire qu'il faut bien rémunérer, qui arrive après, qui arrive trop tard. Et donc là, il y a une aberration, une deuxième aberration économique qui me semble sur laquelle on peut essayer de réfléchir. Donc maintenant, je voudrais terminer sur le point de la librairie. Moi, aujourd'hui, je peux... C'est juste un détail, comment s'appelle cette plateforme ? Alors, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est la Hutte. C'est la Hutte, oui. C'est la Hutte, c'est ça ? Alors, je comprends. C'est le québécois, là. Oui, oui, oui, c'est ça. La Hutte. Voilà, c'est ça. J'hésitais avec la cabane, le cabanon, etc. Et non, c'est bien la lutte. La cabane au Canada, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est bien la lutte. Merci beaucoup. Alors, je voudrais terminer sur ce rôle de la librairie. Aujourd'hui, quel est mon libraire électronique ? Aujourd'hui, moi, en tant que lecteur, où est-ce que j'achète ? Ou bien des livres physiques, ou bien éventuellement des livres électroniques. Bon, c'est sur Amazon, très clairement, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Amazon m'offre un service qui est la possibilité d'accéder rapidement, simplement, sans souci, sans tracas, aux livres que je veux, en ayant enregistré une fois pour toutes ma carte bleue, par exemple. Et après, j'achète en un clic, et c'est bon, et j'ai tout ce que je veux. Donc, Amazon m'offre un service. D'accord. Il y a des services qu'Amazon ne m'offre pas. C'est si je veux être... alors, Amazon, c'est très bien pour la littérature générale, pour toutes sortes de livres. Maintenant, c'est très mauvais pour ça. On va en rediscuter. Pour trouver le livre que je cherche, en tout cas, pour l'instant, c'est celui qui m'offre le service. C'est celui qui m'offre le service. Maintenant, ouais, moi, je travaille dans le domaine des sciences humaines et sociales, je m'y intéresse, j'essaie de lire un peu de sociologie, d'anthropologie, etc. Amazon ne m'offre aucun service d'information, de transmission d'informations, vers moi sur qu'est-ce qui vient de sortir en sciences humaines et sociales dans les domaines qui m'intéressent, qu'est-ce que je peux trouver, mais aussi en termes d'actualité du domaine, c'est-à-dire l'actualité des auteurs, l'actualité des recherches sur le domaine, etc., etc. Et donc là, il me manque ce que vous avez dit, un intermédiaire, effectivement. Et donc la piste que moi je proposais de suivre pour ce qu'on pourrait appeler la librairie indépendante. C'était, je me demandais, voilà, c'était une proposition, puis on peut en débattre justement, je me trompe peut-être, mais voilà, c'était de dire, est-ce que là, il n'y a pas un créneau à prendre pour... Alors, justement, on se trouve dans une librairie de sciences humaines, justement. Imaginons donc, voilà, cette librairie Terre des Livres qui est spécialisée sur les sciences humaines, elle m'offre un service physique, d'accord, pour la librairie physique de spécialisation. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir un site dans le cyberespace, donc un espace dans le cyberespace, qui correspond à cette spécialisation, où je vais revenir parce que j'ai de l'information fraîche, j'ai de l'information spécialisée, j'ai l'information de qualité sur les parutions, sur l'actualité du domaine, etc. Et où, au moment où je vais le vouloir, je vais pouvoir acheter en un clic aussi le livre qui va m'intéresser. Et est-ce que ça, ce ne serait pas une piste? Et juste pour terminer, vous disiez, attention, la librairie, c'est d'abord c'est un modèle économique, c'est du commerce, c'est un... etc. Moi, je pense que nous sommes à une époque où les acteurs, et donc la librairie aussi, doit d'abord penser le service. Le libraire doit d'abord penser le service qu'il doit rendre avant de penser son modèle économique. Parce que si on reste crispé sur le modèle économique qu'on met avant le service, oui, alors on ne bouge pas. Oui, mais ça... Alors, écoutez,